Cornelia Tulipani, par Paul de Molène. On trouve dans les régiments et surtout dans les régiments d'Afrique les espèces d'hommes les plus variées, les plus intéressantes et les plus originales parfois. Ainsi, il y avait à l'escadron de chasseurs qui campait récemment à Mustapha, un fourrier dont Cervantes et le sage auraient aimé certainement à retracer les traits. Georges Deris, avant d'être soldat, avait été peintre, musicien et maître d'une somme assez ronde placée sur le grand livre, dont l'avait dépouillé, disait-il, les arts, l'amour et l'amitié. Ses camarades l'adoraient, quoiqu'il n'eût plus d'autres ressources à leur offrir que celle de sa gaieté, car cette gaieté était d'une nature toute particulière. Elle avait quelque chose en même temps de fou et de consolateur. Assurément, elle était à son lieu d'être pédante, et cependant, elle donnait parfois de fort profitables leçons. Le fait est que Georges Deris, tout gai que le ciel l'avait fait, possédait un esprit observateur et un cœur capable de passion. C'était, sous quelque rapport, un de ces artistes un peu compliqués d'à présent. Toutefois, il se distinguait de la gent poétique proprement dite par une sorte de bonhomie militaire et de délicatesse chevaleresque qui m'attachèrent à lui le premier jour où je le vis. Un soir, nous nous trouvions ensemble dans une sorte de cabaret situé sur la route de Mustapha, qui est assurément une des routes les plus pittoresques du monde. Une foule de voiturins, pour la plupart italiens ou maltais, la parcourent dans tous les sens, se croisent et s'injurient comme des gondoliers vénitiens. Dans ce tumulte européen passent gravement des caravanes arabes. Le chameau y marche avec une solennité biblique, son pas cadencé, et l'âne, au lieu de porter la farine et du charbon, comme chez nous, porte des hommes à longue barbe ou des femmes voilées comme au temps de l'Évangile. Les négresses s'en vont au marché avec leurs grands manteaux d'étoffe rayée et leurs baguettes blanches qui les font ressembler à des sorcières. Le soldat français passe en criant gare en arabe avec l'air à la fois enjoué et hautain du conquérant bon enfant qu'il sera toujours. L'employé civil galope en habit brodé, les jambes écartées, le corps en avant, important en Afrique l'équitation du dimanche au bois de Boulogne. Dans le lointain, la mer et les montagnes déploient leur émouvante majesté. Sur le premier plan, le cabaret chante. Le bouchon règne dans toute l'Algérie. L'absinthe y sort des buissons. Qu'y faire? Il semble que la gravité et la sobriété arabe exaspèrent chez nous l'appétit de toutes les joies déréglées et turbulentes. C'est donc, dans une de ces maisons étrangères à la loi du prophète, dont est bordée la route de Mustapha, que j'étais un dimanche soir avec Georges Deris et quelques sous-officiers de chasseurs. Mademoiselle Nina Dolosa, espagnole sans préjugés, nous avait fait avec sa bonne grâce habituelle, qu'apprécie toute la garnison de Mustapha, les honneurs de son logis. Pourquoi ne pas en convenir? La vie nous plaisait assez à cet instant-là. Tout à coup, le canon d'Alger annonça l'heure de la retraite, et une partie de nos camarades, bien à regret, furent forcés de reprendre avec le képi et le bancal les obligations de la vie militaire. Mais Georges, Saint-Yves, un de nos compagnons, et moi, nous avions la permission de 10 heures. Nous voici donc tous les trois seuls avec la Dolosa, les bouteilles vides et les bouteilles inachevées. Maintenant que nous sommes entre nous, dit Nina avec un sourire, qui pouvait faire concevoir les plus riantes espérances à chacun de nous trois, si nous allions dans le Salon Rouge. Le Salon Rouge était un sanctuaire où Nina introduisait rarement ses amis, même les plus chers et les plus familiers. Une porte vitrée, garnie de rideaux rouges, que quelques initiés seuls avaient vu s'ouvrir pour eux, la séparait de la pièce banale où nous étions. Il y avait dans ce lieu privilégié un canapé couvert d'un calicot écarlate que relevait une bordure jonquille. Au-dessus de ce meuble somptueux, 3 cadres nous montraient 2 saisons en costume fort léger et une espagnole, car l'artiste avait écrit sous cette image « Pepita », dont la robe, le visage et la poitrine étaient du rose le plus réjouissant. Mais ce qui faisait vraiment du Salon Rouge un asile exceptionnel pour les natures d'élite égarées dans les cabarets de Mustapha, c'était un piano, un véritable piano du plus irréprochable acajou. Georges se précipita vers cet ami de ses anciens jours, que lui offrait un hasard inattendu, et un air de Mozart résonna tout à coup à nos oreilles. Le tableau que j'avais alors sous les yeux ne manquait pas de charme. Vous vous rappelez la jolie gravure de l'émude, maître Wolfram et ses disciples. Georges avait dans son profil régulier, qu'accusait fortement la longue mouche des chasseurs, quelque chose de ce maître romantique. L'uniforme ajoutait au lieu de nuire à la fantaisie du personnage. Nous étions couchés, Saint-Yves et moi, dans des attitudes convenablement rêveuses. La bonne Nina, tout heureuse de nous faire jouir des magnificences de son logis, promenait sur nous son charmant et excellent regard en fumant sa cigarette. Georges fumait aussi tout en jouant du piano et s'interrompait de temps en temps pour nous demander un verre de kirsch. Ce brave garçon s'exalta et tout à coup, se levant brusquement, il fit 3 tours dans la chambre, puis il vint tomber à côté de nous sur le canapé rouge. « Cette soirée, fit-il, me rappelle un temps évanoui de ma vie. Si ce n'était, et il regarda ses galons, ces sardines que je vois sur ma manche, je croirais vraiment être encore à Milan, chez la signora Cornelia. Toi, Saint-Yves, malgré tes moustaches, tu me fais l'effet du petit abbé Sardonio, et tu m'as l'air, toi, il se tournait de mon côté, de ce grand ténébreux d'Hermançais. Mais du diable si vous connaissez ces gens-là. C'est que je ne vous ai pas raconté le chapitre le plus curieux de ma vie. Mes amours avec l'illustre danseuse Cornelia Tulipani. » Notre ami nous avait déjà raconté ce chapitre 12 fois, mais ce soir-là, vraiment, je le trouvais adorable. De cette histoire où, après tout, il y a quelques parties émouvantes, presque formidables, d'une passion vraie, d'une sérieuse mélancolie, il fit une sorte d'opéra bouffe dont nos bouches et nos yeux riaient aux éclats, tandis que je ne sais quoi s'attristait tout bas en nos cœurs. Je désespère de rendre cette improvisation telle qu'elle fut. Je ne me cache pas d'ailleurs que le cigare, le kirsch, la bière et le vin blanc de Médéa furent loin de nuire à l'effet qu'elle produisit sur nous. Nous en avons toutefois conservé un si bon souvenir que, narrateur et auditeur, nous avons essayé à nous trois d'en fixer l'esprit bouffon et pathétique dans l'espèce de récit qu'on va lire. On nous accusera si quelques expressions de troupier traduisent parfois les émotions d'une vie d'artiste. Chapitre 1er. La Cornelia Tulipani, qui est si oubliée aujourd'hui, était il y a 5 ou 6 ans une des personnes les plus célèbres de l'Italie. Voici l'histoire en quelques mots de cette singulière gloire. La Cornelia avait un incontestable talent pour la danse. Ce n'était point la verve pétulante de Fanny Esler, ni la grâce éthérée de Taglioni, mais c'était un don d'une espèce particulière. La Cornelia avait dans tous ses mouvements quelque chose de passionné et de dramatique qui la rendait un personnage plus touchant que les héroïnes de tragédie. Ainsi, dans ce charmant ballet emprunté à une légende allemande, dans Gisèle, toute la salle sanglotait quand, laissant sur la terre son amant désolé, elle disparaissait parmi les fleurs. Il y avait comme des strophes navrantes, comme une harmonie désespérée, quelque chose de pareil à ce déchirant adieu de Schubert dans le tressaillement de sa main qu'elle agitait au-dessus des nénuphars où son corps disparaissait. Le public la prit en passion. Les gens du monde en firent l'objet d'une mode et les artistes d'une matière de théorie. Un critique sérieux de Milan prétendit qu'elle avait ressuscité l'art antique de la pantomime et, s'échauffant sous le harnais, il termina son feuilleton en disant que la Cornelia jetait ainsi un jour nouveau sur l'histoire romaine. Cornelia eut la tête tournée et invita le critique à des soirées où, à propos de ses entrechats, on refit toute l'esthétique d'Hegel. Notre danseuse avait alors pour amant un comédien appelé Jocrini, qui prenait l'art de ce côté d'une furieuse hauteur. C'était un homme de 40 ans, dont le vin avait enluminé les traits et dont quelques coups de poing hasardeux semblaient avoir enlevé les dents, excellent dans les rôles grotesques, portant les haillons avec une gravité bouffonne du plus divertissant effet. Mais aimant à jouer Hamlet ou Roméo, et trouvant des gens qui se pâmaient quand sa bouche avinée laissait sortir des paroles de fierté mélancolique. Jocrini avait, suivant ses partisans, un rayon de génie. Il était beau de cette beauté inconnue à l'œil du bourgeois, dont le démon de la violente poésie aime à revêtir les fronts battus par le double orage de la débauche et de l'inspiration. La Cornelia, Jocrini et le critique sérieux de Milan exécutaient à qui mieux toutes sortes de gambades merveilleuses dans le champ de la métaphysique quand 2 autres nouveaux furent reçus dans leur cénacle. L'un était l'illustre philosophe Mazzetto, qui venait de publier à Turin son livre sur l'amour considéré comme principe de gouvernement. L'autre était cet abbé Sardonio, qui s'est fait l'ennemi personnel du pape. Le philosophe et l'abbé se rencontrèrent avec Jocrini, qui, en sa qualité d'homme de génie, était disposé à serrer la main de tout libre penseur. Ces 3 personnages se plurent. Jocrini livra tout à fait le pape à Sardonio, et voulut bien regarder avec Mazzetto l'amour comme un principe indispensable de tout gouvernement représentatif. On pensa que cette doctrine recevrait l'approbation de Cornelia, et on se rendit chez la danseuse. La Cornélia consentit à égayer par quelques pas les doctes entretiens de ses nouveaux amis, Sardonio et Mazzetto, qui écrivaient alors, chacun de son côté, un de ces gros traités sur toutes choses qu'on pourrait appeler des traités gibous, découvrir un sens inconnu à chaque attitude de la danseuse. Sardonio déclara que la danse de la Tulipani avait un sens profondément révélateur, qu'elle était liée à la religion de l'avenir, qu'elle ferait trembler le pape s'il pouvait seulement en avoir le soupçon. Mazzetto affirma que c'était une danse inspirée, vivifiée, illuminée par cet amour hardi où les sociétés nouvelles devaient trouver leurs principes. C'était la danse, s'écria-t-il, de l'amour démocratique, universel et régénérateur. Ces éloges firent le malheur de la pauvre Cornelia Tulipani. D'abord, elle se mit à torturer tous les compositeurs de ballet. Elle déclara que tout libretto qui n'aurait pas une portée politique et même sociale n'obtiendrait jamais le concours de ses jambes. Renversant toutes les traditions des féeries qui font danser les princes et les princesses ensemble, elle voulut ne plus faire danser les princesses qu'avec des paysans, puis ce fut sa danse même qu'on vit peu à peu s'altérer. Elle confessa sous le théâtre la foi des Sardonio et des Mazzetto par de si excentriques écarts que tout le public fut confondu. Elle était devenue à la fois solennelle, ampoulée, énigmatique. On recherchait cette passionnée Gisèle qui ne pensait qu'à son amant, et on ne retrouvait que la prêtresse mystique d'une sorte de culte inconnu. Un soir, quelqu'un la siffla. Comme elle était aimée après tout, et comme ses récentes bizarreries lui avaient même créé d'ailleurs de nouveaux partisans, ce sifflet fut couvert par des salves de bravos emportées. Mais dans le cœur de certains artistes, un seul sifflet fait une blessure que ne peut guérir aucun bravo. La Cornélia résolut de quitter le théâtre et de ne plus danser que pour ses amis. Elle venait de prendre cette résolution quand le hasard, en me la faisant connaître, m'initia aux dépens de mon cœur, de mon bon sens, de mon repos, de ma fortune, aux plus étranges folies de notre temps. Voici comment je fus pris par cette aventure. J'ai toujours aimé Byron, je le confesse, et présent encore à la manœuvre, au pensage, je me relis souvent des vers du corsaire. Il y a quelques années, j'étais entièrement affolé de Childe Harold. Toutefois, je n'étais pas un Childe Harold trop sombre. Mes accès de spleen ont de tout temps été éclairés par des accès de gaieté. Mais, triste ou gai, j'avais un continuel besoin de ne pas voir plus d'un mois les mêmes objets. À Paris, je changeais sans cesse de quartier, de société, de manière de vivre. Hors de Paris, j'aurais voulu pouvoir, à chaque minute, changer de ville, de monde et de civilisation. Telle était ma situation d'esprit quand j'arrivais à Turin en 1847. J'y étais depuis 2 jours. Et l'ennui venait déjà de m'y atteindre d'une façon qui me semblait mortelle quand je rencontrai à une table d'hôte André Méville. Je ne connaissais d'André que ses tableaux, qui me plaisaient infiniment. Sa personne me fut plus sympathique encore que son talent. Cependant, entre son talent et sa personne, il n'y avait pas le moindre rapport. André excelle à faire de si chastes anges que les anges dont Mademoiselle de Fauveau orne ses bénitiers semblent presque des êtres profanes à côté de ces mystiques créations. Ces vierges sont plus immatérielles, plus éthérées, plus étrangères à toutes les pensées humaines que les madones de Cimabue. Enfin, André est en peinture un byzantin forcené. Dans sa vie, c'est le plus joyeux des Vénitiens. Il est voluptueux, moqueur, sceptique. Il a eu avec des femmes de toutes les conditions 1 000 000 d'aventures, et rien n'est plus amusant que lui lorsqu'il soutient, avec cette admirable gravité dont il a le secret, que dans toutes ses rencontres, il a toujours engagé son cœur. Lui-même, à chaque amour nouveau, compare ce cœur si souvent engagé à ses toiles, qui, suivant les artistes, ont besoin de recevoir 20 peintures différentes pour acquérir de parfaites qualités. C'est du reste un spirituel et loyal garçon, Don Juan sans meurtre, sans remords, sans fantôme, qui n'eût pas tué le commandeur et l'eût engagé à souper pendant qu'il était en vie. Les Français en pays étranger ne s'évitent pas comme les Anglais ne manquent jamais de le faire. À 3 lieues de la frontière, au contraire, ils s'abordent déjà avec une sensibilité enjouée qui est le privilège de notre nation. Ils sont heureux de se retrouver comme s'ils étaient au Monomotapa. Au bout d'1 heure de table d'hôte, nous étions liés intimement, André et moi. « Que faites-vous ce soir ?» me dit mon nouvel ami, quand nous fûmes bras dessus à la porte de notre hôtel, poussant dans l'air pur de la nuit la fumée étourdie du cigare. « C'est la grande question, » répondis-je, « qui pèse chaque soir sur l'existence des garçons. Que faire ? Ma foi, je n'en sais rien. Eh bien, reprit brusquement André, si vous voulez, je vais vous mener chez la Cornelia Tulipani. C'est une de mes amies et je suis curieux de savoir comment vous la jugerez. Je vous préviens que dans son monde, je passe pour un peu léger. C'est une réputation qui ne devrait pas vous nuire dans le monde d'une danseuse. Ah, ça, vous ne connaissez donc pas la Cornelia ? Vous ne savez donc pas ce qu'en ont fait Sardonio et Mazzetto ? Ils en ont fait, m'écriai-je, un bas bleu, au lieu d'une jupe couleur de rose, et c'est un crime que je ne leur pardonne pas. Attendez pour juger le monstre que vous l'ayez vu, reprit Méville, et tout en devisant ainsi, nous voilà à la porte de la Tulipani. Mes chers amis, vous rappelez-vous Werther, le premier jour où il vit Charlotte ? Elle était, cette future épouse d'Albert, entouré de marmots qui recevaient de ses mains des tartines de pain et de beurre. Le pauvre songeur fut mortellement blessé à cette vue. Ce début est une admirable pensée de Goethe. Ce qui devrait nous repousser est éternellement ce qui nous attire. La passion s'enflamme de ce qui devrait l'éteindre. Je fus pris comme Werther en voyant la Cornelia, comme Charlotte, entourée d'enfants. Et quelle Charlotte c'était cependant ! À présent, il se passe un singulier phénomène dans mon esprit. Ce que je contemplais d'un œil sérieux se retrace à moi sous un aspect comique. Mes souvenirs me jouent en charge le drame qui fut joué par mes passions avec une tragique énergie. Cette pauvre Cornelia ne ressemblait donc guère à une jeune fille soignant ses frères comme Charlotte. On ne peut pas dire non plus qu'elle fut, comme je suis pourtant depuis qu'elle avait les prétentions de l'être, une image radieuse et auguste de la maternité. On voyait que déjà elle était entrée dans l'âge crépusculaire de la femme, et tout son corps était chargé d'un embonpoint qui, à défaut de la philosophie, eût peut-être arrêté son essor comme danseuse. Elle était agréable encore, cependant, mais il y avait sur ses traits, comme sur ceux du comédien Jocrini, ce je ne sais quoi de soulier, qui est le signe mystérieux de certains vices, et elle me rappelle à présent ce personnage d'un tableau d'Horace Vernet, cette châtelaine à toque de velours et à châle écossais qui est en calais jaune dans un village auprès d'un homme à grand plumet. Oui, c'est ainsi que je la revois à l'heure qu'il est, et ce jour-là pourtant où elle m'apparut pour la première fois, toute sa personne fit sur mon âme une profonde impression. J'oubliais les sarcasmes qu'avant de l'avoir vue j'étais disposé à lancer contre elle. C'est qu'il y avait un certain charme, après tout, sur ses traits fatigués, dans ses formes flétries. Elle avait pour moi cette dangereuse saveur des fruits gâtés pour les appétits corrompus. Enfin, j'eus l'amer plaisir, comme dit Alfred de Musset, de sentir que j'allais aimer et souffrir. Elle tendit la main à André Méville avec une sorte de familiarité virile qui n'excluait pas cependant toute grâce féminine, et elle poussa vers lui les quatre marmots dont le peintre eut la politesse consciencieuse d'embrasser les visages barbouillés. Le regard qu'elle jeta ensuite sur moi n'eut rien ni d'interrogateur, ni de méfiant, ni d'embarrassé, ni de provoquant. Il me parut sérieux, cordial et hospitalier, comme celui d'un chef sauvage qui reçoit pour une nuit un inconnu dans sa hutte. Quand mon introducteur m'eut nommé en accolant mon nom à l'épithète d'artiste, « Puisque vous appartenez à notre tribu, » fit-elle en me présentant une pipe, « fumez le calumet de la paix, et ne parlez que si la parole vous fait plaisir. Ici, l'on est affranchi de toutes les sottes obligations du monde extérieur. Les entrées, les sorties, le dialogue ne sont soumis à aucune de ces entraves qui rappellent la gêne des tragédies classiques. Parlez, taisez-vous, soyez triste ou soyez gai, nous jouons éternellement le « Comme il vous plaira » de Shakespeare. » Et mettant immédiatement en pratique la loi dont elle venait de m'instruire, elle sortit sans me faire aucune excuse pour aller coucher ses enfants à ce que m'apprit Méville. « Vous voyez, me dit le peintre quand nous fûmes seuls, dans quel lieu je vous ai conduit. Cette chambre me fait l'effet de la place fantastique où Molière et Shakespeare ont placé les plus libres jeux de leur esprit. Ici, comme vous l'a dit la Cornelia, on entre et l'on sort sans raison. On garde un silence obstiné, on engage un entretien enjoué, où l'on se livre au charme excentrique du monologue suivant les caprices passagers de son esprit et de son cœur. Je vous ai mené, mon cher voyageur, dans un de ces châteaux du roi de Bohême qui était si cher à Charles Nodier. Tout se passe par boutade en ce gîte. Ainsi, la Cornelia, qui demain ne se souciera peut-être plus des quatre marmots que vous avez vus tout à l'heure pendus à ses jupes, est à l'heure qu'il est dans une lune de maternité. Sardonio l'a comparée à une madone païenne et Mazzetto à une sibylle chrétienne. Elle veut à tout prix se rendre digne de ses éloges philosophiques. Je dis à Méville qu'il était moqueur, et que sa Cornélia me paraissait une personne fort simple, s'acquittant avec dignité d'un devoir respectable. « Ainsi, vous voilà déjà sous le charme, » fit le peintre. « Oui, la Cornélia voudrait être simple, et c'est son désir, sa prétention, sa manie, mais je la connais, la simplicité de la Cornélia. C'est ce rôle fatigant qu'impose aux artistes la maxime dont on les a rebattus, que la simplicité dans la vie domestique est un incontestable signe de génie. Les pauvres airs se guindent à des simplicités qui me font mal, et auxquelles je préférais de beaucoup un naturel permettant à tous les yeux de voir le jeu naïvement compliqué de leurs travers et de leurs vices. « Voyez-vous, mon cher monsieur, » ajouta Méville, « je ne suis certainement ni prude, ni pédant, ni moraliste, mais je crois la simplicité une vertu dont certaines existences ne s'accommodent pas, et pour moi, les églogues maternels de la Cornélia sonnent aussi péniblement faux que ses homélies philosophiques. Mazzetto et Sardogno nous ont gâté cette bonne fille. Jocrini nous l'a gâté aussi avec ses bribes de Wilhelmmeister qu'il s'est fourré dans le cerveau et qui font de lui un Sganarelle corrigé par Ludwig Tieck. Sur le théâtre, elle devait être notre Camargo, seulement avec une inspiration plus passionnée que l'inspiration d'une danseuse du siècle des Richelieu, des Boufflers et des Pompadours. Chez elle, elle devait être, la pauvre femme, ce qu'elle est, mais sans toutes ses prétentions funestes, ses fâcheuses visées qui tournent sa tête et celles d'honnêtes gens, auxquelles je ne voudrais lui voir laisser qu'un bon souvenir. » Pendant que Méville parlait ainsi, la Cornélia rentra. Depuis quelques mois déjà, elle était séparée de Jocrini, qui n'était pas à Turin, et ce soir-là, ni Sardogno ni Mazzetto ne vinrent la voir. Elle fut charmante, je le trouve encore, et je sentais que Méville, à qui de temps en temps je lançais des regards triomphants, en convenait au fond de lui. Elle ne parla ni politique ni philosophie, et ne chercha dans l'art rien de mystérieux, de symbolique, d'énigmatique. Ce fut une actrice enjouée, faisant les honneurs de son talent, de son esprit, de toutes ses grâces, à des camarades qui lui plaisaient. Sur un regret que j'avais exprimé de ne pas lui avoir vu danser un certain pas espagnol, qui avait été un de ses plus éclatants succès, la voilà qui prit des castagnettes, et pendant qu'André tenait le piano, se livra tout à coup dans la chambre aux étincelants caprices d'une Esmeralda. « Vous me rappelez, lui dis-je, la bohémienne de Notre-Dame, et le rôle de Pierre Gringoire que j'ai l'air en ce moment de jouer ne me suffit pas. Je me sens si transporté que j'ai envie de faire la chèvre et de me mettre à sauter après vos castagnettes. » Cette bouffonnerie, que j'accompagne en effet de quelques sauts au milieu de la chambre, la fit partir d'un franc éclat de rire. « Voilà qui est convenu, » dit-elle, « je vous accepte pour ma chèvre. Je vous mettrai un collier autour du cou. » « Et deux cornes dorées au front ?» cria André du piano. Là-dessus, plaisanterie nouvelle. « Je suis amoureux de la Cornélia, » dis-je à André en rejoignant avec lui mon hôtel. « J'en atteste les étoiles qui brillent dans ce sombre ciel. Bouton doré, comme dirait un poète romantique, d'un habit de scaramouche. C'est la femme qui m'était destinée. Ses yeux sont d'un noir plein de passion et ses lèvres d'un rouge plein de gaieté. Que faut-il faire pour qu'elle m'aime ?» « C'est, repartit Méville, ce que je vous dirai demain matin, mais je vous conseille de vous calmer, car c'est terriblement ennuyeux ce qu'il faut faire aujourd'hui pour être aimé de la Cornélia. » Chapitre deuxième. « Figurez-vous, me disait le lendemain André Méville, installé dans ma chambre de grand matin, que la Cornélia a en ce moment-ci un caprice. C'est de n'avoir pour amant qu'un homme atteint mortellement par ses charmes. Sardogno et Mazzetto lui ont inspiré la pensée de se composer une sorte de chasteté fondée sur les excès mêmes de sa vie passée. Sa manie est à présent d'être revenue par des voies mystérieuses à la virginale placidité de son enfance. Cependant, comme cet état sublime l'amuse peu, comme elle ne serait pas fâchée de rompre avec son innocence philosophique, elle dit par instant qu'elle n'en a peut-être pas fini avec l'amour. Seulement elle veut que l'amour se présente à elle sous la forme de la charité. Elle veut se donner à un affligé. Vous sentirez-vous la force de jouer ce rôle ? J'essaierai, répondis-je au peintre, qui me conduisit de nouveau chez la Tulipani. En peu de temps, j'eus conquis ma place dans l'intérieur de la danseuse, et je reconnus la vérité de ce qu'André m'avait dit. Cette pauvre Cornélia, entre son Sardogno et son Mazzetto, avait fini par extravaguer complètement. Comme j'avais pour elle, après tout, un goût des plus sincères et des plus vifs, je me sentais une profonde horreur pour ces deux compagnons. Le faux, d'ailleurs, m'a toujours froissé, et tous les sacrilèges niaiseries qui se débitaient chez la Tulipani me jetait parfois dans de sérieux accès d'indignation. J'entendais la parler sans cesse d'un Christ ami des courtisanes, protecteur des révolutions, austère par un caprice mystique, mais complaisant à tous les vices, tendre pour toute flétrissure, chef enfin d'une tribu bohème, destinée à passer dans le monde en faisant la guerre à toutes les cités. Cornelia avait inventé de danser un ballet rappelant les sottises du Moyen-Âge, où il faisait le rôle de la Madeleine. Cornelia voulait être une Madeleine en effet, seulement elle remplaçait par une orgueilleuse mélancolie l'humble tristesse du repentir chrétien. Tout le monde sait que je n'ai pas le droit de m'ériger en prédicateur. Je mène la moins triste vie que je peux. Sauf les coups de sabre, la fatigue et le mauvais vin, je ne donne guère de mortification à ma chair. Mais je ne tombe pas dans cette faute, du moins, d'être fier de ce que mes mœurs sont d'irrégulier, et je veux que le diable m'emporte, si j'ai jamais compris cette vanité. C'est cependant, je crois, de tous les travers le plus commun, et la Cornelia en était affectée au suprême degré. La jeunesse d'un temps où l'action a tout à coup menacé de disparaître s'est imaginée d'ériger en faits mémorables les actes quotidiens de sa vie. On a donné aux mascarades, aux soupers, aux aventures d'alcôve des proportions gigantesques. On a élevé le vin de champagne et les honnêtes filles qui le boivent avec nous à une fatale dignité. On a inventé l'orgie comparée à une bataille. De là ces descriptions empoulées de scènes fort simples par des gens qui n'ont seulement pas coupé une tête, comme dirait un spahi. J'ai encore dans les oreilles la voix emphatique de Jocrini lorsqu'il racontait ce qu'il appelait des nuits antiques. Cornelia appartenait à l'école du désordre déclamatoire. Elle pensait consciencieusement que les soupers auxquels elle avait assisté et le nombre assez considérable d'amants qu'elle avait tour à tour pris et quittés la marquaient au front du sceau des anges déchus. Eh bien, telle qu'elle était, avec tous ses ridicules incohérents, prétention à la simplicité et à la singularité, affectation de grandeur désespérée et de bonhomie domestique, d'amer scepticisme et de charité chrétienne, je l'aimais, il faut que j'en convienne. Je voulais lui plaire, et pour cela je suivais scrupuleusement les conseils d'André Méville. Je jouais le rôle d'une nature irritable, fébrile, en proie à des douleurs imprévues et désordonnées. André avait raconté à la Cornelia que mon cœur était dominé par un poignant et mystérieux souvenir. Suivant lui, j'avais eu une passion à la fois violente et pure, un sentiment romanesque, né dans la région des fièvres idéales, pour une Anglaise morte à Nice il y avait 2 ans. J'étais, disait-il, un sépulcre qui recelait le pâle fantôme de Lady Jersey. C'est le nom qu'il avait donné à ma funèbre maîtresse. La Tulipani lui demandait souvent ce qu'était cette Lady Jersey qu'il prétendait avoir connue, et il en faisait alors le portrait qu'il jugeait le plus propre à enflammer l'imagination de notre pauvre danseuse. Lady Jersey était douce comme une nuit de printemps, triste comme le rivage des mers et pure comme le souffle du matin. Aucune des brûlantes attaches qui naissent de la chair humaine n'avait enlevé à cette âme disparue de la terre sa céleste fraîcheur. Orpheline, c'était à peine si elle avait connu les baisers de sa mère. Mariée à 16 ans, elle avait été respectée par un de ses époux appartenant à cette race de divins vieillards que chantait récemment encore l'auteur de Raphaël et qu'un de mes amis appelait de séraphique Cassandre. Mon image était la seule qui s'était réfléchie dans le miroir limpide de son âme. « Pauvre enfant, dit un jour la Tulipani, qu'André venait d'attendrir sur mes chastes et douloureuses aventures, comment le ferais-je oublier s'il m'aimait ses trésors de pureté ?» André me répéta sur le champ cette parole qui me révélait les charitables pensées de la bonne Cornelia et qui devint pour nous le signal d'une manœuvre décisive. Pendant quelques jours, j'attachais sur la Tulipani des regards ardents et troublés. J'évitais toute occasion de me trouver seul avec elle. Je prenais un âpre plaisir à lancer dans la conversation toutes sortes de paradoxes amers. J'étais atteint évidemment d'une gaieté douloureuse. Ma physionomie demeurait impassible ou devenait sardonique quand la Cornelia dansait quelques-uns de ses pas entraînants et mélancoliques qui, récemment encore, me remuaient si puissamment. Un soir, au moment où elle traçait dans sa chambre les cercles aériens, je me levai tout à coup et je sortis, mon mouchoir sur mes yeux. « Georges t'aime et se meurt, » lui dit André. Le lendemain, je laissai Cornelia trouver le moyen d'être seule avec moi. Je vois encore le visage et le geste de la Tulipani à cette heure solennelle de nos amours. Elle attacha sur mes yeux un regard plein d'une résolution triste et sereine. Elle me tendit la main, et d'une voix qui aspirait aux plus graves accents de la mansuétude divine, « Est-il vrai, Georges, que vous souffriez et que vous m'aimiez ? » Avec la même simplicité de gestes, de ton et de regard, je répondis « Je vous aime et je souffre, Cornelia. »« Eh bien, Georges, » fit-elle, « écoutez-moi. » J'eus alors tout un discours qu'André m'avait déjà raconté et qu'il appelait le discours d'ouverture. C'était en effet la série d'engagements que cette reine changeante de temps de cœur prenait avec tous ses sujets. La Cornelia était décidée à se sacrifier pour moi. L'amour n'avait jamais été pour elle un plaisir. Elle avait toujours tenu d'une main distraite et sans y trouver l'ivresse la coupe des terrestres voluptés. C'était autrefois une recherche inquiète, une fatale poursuite de l'idéal qui la poussait, comme Don Juan, à travers d'arides et incessantes aventures. Maintenant, elle avait chassé de son cœur, purifié et agrandi jusqu'à cette noble et douloureuse passion. Aussi se donnerait-elle à moi sans illusion, sans espoir, pour obéir à un devoir sacré de charité. « Mon ami, me dit-elle, je vous dirai, prenez ceci est mon sang, prenez ceci est ma vie, avec cette vaillante et résignée tristesse du Christ. »« Vous êtes grande, m'écriai-je, Cornelia. « Georges, me dit-elle en se laissant tomber dans mes bras, que cette heure soit toujours sacrée pour vous. Tradéridera. Mes amis, j'ai envie de rire à présent et je ris. Mais voyez un peu quels étranges phénomènes se passent dans les cœurs compliqués. Cette petite comédie que je savais d'avance, où j'avais soigneusement étudié mon rôle, dont je m'étais amusé maintes fois avec Méville, dont je crois même qu'intérieurement je me moquais jusqu'à cet instant-là, remplit cependant mes yeux de larmes, mon sein de transport. Oui, ma chère Tulipani, tu as fait partie de ma jeunesse. Après tout, je t'ai aimé. Chapitre 3e. Il n'est pas d'union, parmi celles dont s'afflige ou doit se réjouir la loi sociale, pour qui ne luise cette bénigne lune qu'on appelle la lune de miel. Pendant une semaine tout entière, cet astre mystérieux jeta sur la Tulipani et sur moi ses plus doux rayons. Je ne m'inquiétais de rien, je ne désirais rien, mon cœur avait chaud. Je logeais en moi cet hôte passager que nous nommons le bonheur. On dit que certains moments ne peuvent pas se raconter. Je pourrais fort bien raconter, je le sens, cette époque enchantée de ma vie, mais je crois qu'en vérité cela m'attristerait. Il n'y a que la souffrance dont il soit doux de se souvenir. Arrivons donc aux souffrances. Un beau jour, je m'imaginais d'être jaloux de Cornelia. Voyez un peu la belle invention. Et pourquoi donc, tel jour plutôt que tel autre, fus-je atteint de cette folie-là? C'est ce qu'il me serait impossible de dire. Notre âme a une vie fatale et inconnue comme la vie des océans. Ce matin, il fait beau en nous. Nos pensées jouent à la surface de notre cœur dans la tiède lumière d'un calme soleil. Ce soir, tout notre être n'est plus qu'une région d'orage et de ténèbres. D'où viennent l'ombre qui nous envahit et les souffles qui nous bouleversent? Je ne l'ai jamais su. Un jour donc, je fus jaloux de la Cornelia. L'idée me vint, en la pressant sur mon cœur, que je ne tenais pas précisément entre mes bras une créature virginale. J'avais oublié pendant quelques jours tout ce que j'avais appris par moi-même et tout ce qu'André Méville m'avait dit. Cette funeste connaissance de celle que j'aimais entra cruellement dans mon esprit. Combien de fois, pensais-je, a-t-elle joué le drame qu'elle joue avec moi, et me voici tout à coup possédé du plus ténébreux chagrin. La bonne Cornelia ressentait toujours contre les jalousies qu'elle inspirait une fort naturelle irritation. Elle trouvait souverainement injuste et sotte cette manie, qu'ont presque tous les hommes cependant, d'exiger au bout d'un certain temps, chez les femmes dont ils sont devenus les maîtres, une pureté qu'ils étaient ravis de ne pas rencontrer en elles aux premières heures de leur liaison. Puis elle était désolée qu'on ne préférât pas à la candeur de la plus chaste des jeunes filles cette ingénuité de son invention qu'admiraient tant les Sardonio et les Mazzetto. Ce second sentiment était moins raisonnable que le premier, je le dis franchement toutefois. Dans les premières querelles qui amenèrent notre séparation, tous les torts furent de mon côté. Mais je ne gardai pas longtemps mon rôle de bourreau. Je pris bientôt celui de victime, et je pus dire que mes supplices furent variés ingénieusement. Un soir, je trouvai à côté de ma maîtresse un personnage d'un aspect distingué, dont le pâle visage était encadré par de longs cheveux et terminé par une longue barbe. C'était le marquis Guillaume d'Hermancey. Monsieur d'Hermancey était assurément le plus honnête homme auquel la Tulipani eût jamais confié, avant moi, la tâche délicate de donner un but intime à sa vie. Il appartenait à un parti pour lequel j'ai toujours professé du respect et senti de l'attrait. Seulement il avait altéré un peu, par les billevesées de notre temps, l'antique et généreuse croyance dont sa politique aurait dû se composer uniquement. C'était un de ces légitimistes qui finissent par se faire un indéchiffrable blason en voulant écarter la sainte ampoule avec l'urne du suffrage universel, le droit divin avec le droit populaire. Ceci soit dit du reste en passant, et parce que le nom d'Hermancé est venu forcément dans mon récit, car j'ai fort peu connu le marquis et je n'ai eu rien à démêler avec sa vie publique. Hermancé était le père d'un de ces enfants qui auraient excité chez la Tulipanie des sentiments de matrone. Il venait voir son fils Ascanio, long et mince garçon d'une douzaine d'années qui était censé sans querelle avec son frère, le petit Jocrini. Le pauvre gentilhomme, quand j'entrais, regardait sa progéniture d'un air qui aurait dû me faire pitié. Il semblait méditer péniblement sur ce sacrilège qu'il avait commis d'employer une danseuse à perpétuer une race de croisés. En pensant à son expression, je bénis Dieu de n'avoir par le monde aucune créature de mon sang. Mais je ne me livrais guère alors aux réflexions que je fais aujourd'hui. Ma seule impression, quand je vis d'Hermancé, ce fut une douleur suprême. Au moment où je prenais avec le moins de philosophie les quatre enfants de ma maîtresse, il était dur pour moi de voir un de leurs quatre pères. Je dois dire que la Cornélia ne sut guère atténuer ce qu'avait de pénible ma situation. Elle prit un de ces airs limpides qui depuis quelques jours déjà m'étaient devenus insupportables par la pensée de tout ce qu'il cachait d'obscur, de compliqué, de confus, de faux, de triste et de malséant. « Mon ami, » me dit-elle d'une voix qui voulait avoir un doux et religieux accent, « voici le père de mon Ascanio. » Et elle saisit ma main pour la mettre dans celle d'Hermancé. Cette sublimité ne fut goûtée ni de moi ni de son ancien amant. Les deux mains qu'elle voulait réunir se touchèrent à peine, et le souper fut de la plus cruelle tristesse. Je sentis pour la première fois tout ce qu'il y a d'odieusement embarrassant pour qui appartient au monde habituel des gens distingués et des honnêtes gens, à se trouver dans le monde excentrique où nous étions placés, Hermancé et moi, par la Tulipani. Plus la Cornélia redoublait de dignité sereine, d'héroïque confiance, plus nous étions tous de penauds, l'oreille basse, affaissés sous le ridicule du rôle que nous jouions. Enfin, ce supplice finit, et quand Hermancé se fut retiré, il y eut entre Cornélia et moi une de ces longues et horribles scènes où les amants font de leur amour un cadavre qu'ils frappent, qu'ils outragent, qu'ils foulent à l'envi sous leurs pieds jusqu'au moment où un mot imprévu, un regard, un sourire, ressuscite tout à coup pour attendre un nouveau délire l'objet de leur sanglante furie. Hermancé n'était qu'en passant à Turin, où l'avait suivi une chanteuse. Je le vis peu, mais un homme était destiné à me faire connaître dans toute son étendue la douleur qu'il m'avait fait entrevoir. Un matin que j'allais chez la Cornélia, le cœur rempli par hasard d'une sorte de gaieté sans cause, qui depuis longtemps m'était inconnue, elle attacha sur moi son regard le plus solennel et me dit « Mon ami, seras-tu à la hauteur d'une nouvelle épreuve ? Jocrini est arrivé. Je vais te dire ce qu'est Jocrini. » Je savais trop ce qu'était Jocrini. Je le dis à Cornélia en l'interrompant. Ma pauvre Tulipani fut suffoquée de ma rude tirade contre celui de ses anciens amants qu'elle avait le plus vénéré. Ma parole acerbe et violente la blessait de toute façon. Je l'atteignais, disait-elle, dans sa dignité de femme et dans sa religion d'artiste, en écrasant sous mon mépris le double pathos par lequel elle voulait me démontrer la poétique grandeur de Jocrini et de l'attachement qu'elle lui gardait. J'eus cependant l'insigne faiblesse de consentir à voir le comédien. J'entrai, je puis le dire, alors dans la plus humiliante et la plus douloureuse période de ma vie. Hermancé, du moins, était un homme de bonne compagnie. Son embarras consolait et soulageait le mien. Jocrini, au contraire, triomphait de son impudente aisance dans la vie fausse, pénible et mauvaise où nous étions engagés tous deux. Il n'embrassait jamais son fils sans attacher sur Cornélia et sur moi un regard plein d'une magnanimité triste et souriante qui voulait dire « Vous le voyez, j'ai renoncé à mon titre d'amant sans abjurer mes droits de père. » Et Cornélia lui répondait par un autre regard plein d'une intrépide et enthousiaste amitié. Entre ces deux personnages de théâtre, je me sentais pris à la fois de rage et de confusion. Un soir, Jocrini m'irrita tellement par un redoublement de clémence à mon égard et d'admiration pour sa personne, il unit à ses impertinentes affectations des dissertations si pédantes et si boursouflées sur l'art, il mit enfin tout son appareil nerveux dans un tel état que je lui lançai à la tête un plat où un caneton gisait, plus insensible mais non moins crucifié que moi. Cela fait, je me retirai à mon logis, décidé le lendemain matin à faire de mon mieux pour plomber à tout jamais la cervelle de mon insipide rival. Mais je ne revis point Jocrini. Je reçus, au lieu d'un cartel du comédien, une longue lettre de la Tulipani qui m'apprenait que son ancien amant l'avait quittée après des adieux qui, disait-elle, me rejetaient aux pieds de cet homme divin. Chapitre 4e. Je veux mener à la housarde mon histoire, car je déteste toutes les longueurs. Dans l'art, j'aime les ébauches, comme j'aime à la guerre les razzias. Je vais donc arriver rapidement à la suprême mésaventure qui me sépara pour toujours de la Cornelia. Après le départ de Jocrini, je repris possession de ma maîtresse, mais je cherchais à me cacher une vérité qui chaque jour s'offrait à mon esprit avec plus de force. La Tulipani était lasse de moi. Le caprice qu'il avait jeté dans mes bras s'était évanoui. Les différences qui séparaient nos deux natures se montraient avec plus de force chaque jour. La voix qui devait parler à mon cœur avec tant de puissance et m'arracher au monde honteux où je me perdais pour me conduire à l'honnête vie qui m'a sauvé commençait déjà à s'éveiller en moi. Tandis que le goût du vrai, du droit et du simple devenait pour ma nature un besoin impérieux, la Tulipani semblait redoubler d'amour pour le faux, le tortueux et l'exagéré. Je menais avec la Cornelia une vie lourde, irritante et embrasée comme un orage, quand je rencontrais tout à coup chez elle l'instrument de mon salut. Nous étions alors aux approches de cette révolution qu'a fait apparaître en même temps dans toute l'Europe ces signes bizarres, sinistres et inattendus. Le sang lombard se remuait dans les veines de Milan. Si j'avais à me battre en Italie maintenant, j'aimerais me trouver sous les ordres de Radetzky, car les patriotes italiens m'ont singulièrement dégoûté de leur cause. Mais dans ce temps-là, au lieu d'une œuvre révolutionnaire, je voyais, comme disaient certains, une œuvre nationale dans l'entreprise des Milanais contre les Autrichiens, et j'aurais volontiers brûlé quelques cartouches pour la liberté de la Lombardie. J'étais dans cet état d'esprit quand il nous arriva de Turin le plus célèbre représentant démocrate de la petite chambre qui a bouleversé, à l'instar de notre pays, ce pauvre pays de Savoie. Maître Bollino était un avocat qui avait écrit en italien une biographie de Robespierre et qui accusait tous les jours Charles-Albert d'être assez lâche, assez félon, assez corrompu pour préférer son trône à un échafaud. Au jour où gronda le canon de Novare, Maître Bollino, bien entendu, resta parmi ses paperasses. Mais de la tribune, il faisait une terrible guerre à l'Autriche. C'était là qu'il enlevait des drapeaux, enfonçait des carrés, prenait des redoutes. Si la parole avait la puissance du canon, comme cela s'imprime souvent, Bollino aurait depuis longtemps anéanti le dernier des Autrichiens. Aussi son nom était-il populaire dans toute l'Italie, et quand il vint à Milan, la jeunesse de la ville alla chanter des hymnes patriotiques sous le balcon de son hôtel. La Tulipani ne voulut pas, comme on se l'imagine, manquer l'occasion de voir un si intéressant personnage. J'aperçus donc un soir chez elle Bollino, que Mazzetto venait de lui amener triomphalement. Les républicains, comme on sait, sont toujours divisés en deux classes, les Spartiates et les Athéniens. Bollino était de ces derniers. C'était un grand et gros garçon qui avait un extérieur de dentiste. Il se connaissait en vin et aimait les arts. Il me déplut souverainement d'abord, puis je lui trouvai une sorte d'aplomb naïf qui m'amusa. Il buvait bien, je l'imitais. J'ai, comme vous savez, le vin expansif et cordial. En sortant du souper, j'étais lancé comme un chasseur qui rentre après l'appel. Mon avocat était maître de lui. Il me proposa de sortir. J'acceptai. Quand nous fûmes dans la rue, « Si nous allions, me dit-il avec un ton où l'enthousiasme du patriote essayait de s'adjoindre l'étourderie du mousquetaire, chercher querelle à quelques officiers autrichiens ?»« Cela serait d'un bon effet. C'est toujours par ces escarmouches que les grandes luttes commencent. Après les combats particuliers viendra le combat général. » Je serais allé ce soir-là chercher querelle à Lucifer. J'entrai avec Bollino dans un café. Je m'avançai vers un groupe d'officiers que je vois encore assis tranquillement autour d'un bol de punch. J'avisai celui d'entre eux qui me semblait avoir la plus martiale figure, et je lui demandai en italien s'il serait homme à se donner le lendemain matin un coup d'épée avec un chevalier de la Lombardie. Comme sa réponse tardait, je fis un geste dont heureusement on prévint l'effet, mais qui amena autour de moi une confusion épouvantable. Quand je sortis du café après avoir reçu et accepté 10 provocations, je cherchai en vain Bollino. Il avait disparu. Le lendemain, la police autrichienne me faisait saisir à mon domicile et transporter en France. J'y étais depuis quelques jours, en proie à une rage indicible, me demandant par quels moyens j'irais assouvir à Milan ma soif de vengeance contre l'Autriche, et surtout ma soif d'amour pour la Tulipani, quand je reçus une lettre d'André Méville, qui parmi beaucoup d'autres choses me disait à peu près ceci. « Cornelia est partie avant-hier pour Turin avec Bollino. J'ai tout lieu de croire que le tribun et la danseuse ont contracté leur union le soir même où tu t'es déclaré le champion de la Lombardie. Leurs yeux et leurs pieds n'avaient pas cessé de se parler pendant le souper où tu t'es grisé. Mon cher Georges, je te félicite de ce dénouement. L'amour de la tulipanie te devenait funeste. Les femmes... Ma foi, je n'ai pas besoin de me rappeler la morale d'André Méville. Après cette lettre, je fus atterré. J'eus presque envie, sur ma parole, de me guérir, comme dit le troupier, avec un morceau de plomb et une pincée de poudre. Heureusement, je n'en fis rien. C'eût été une triste fin pour une ridicule cause. Mais je caressais, et je finis par adopter tout à fait un projet qui, depuis longtemps, s'offrait souvent à mon esprit. Je me fis soldat. Je pensais que cette vie me laverait des souillures contractées par tout mon être dans une autre vie, m'ôterait bien des sottes inquiétudes, bien des fâcheux désirs, bien des tristes embarras. Je pensais que mon cœur trouverait dans cette noble et virile existence comme une sorte d'oubli vengeur des honteuses et débiles souffrances qui l'avaient oppressé. Je crois que je ne me suis pas trompé. Mes amis, vous comprenez ce qui s'est passé et ce qui se passe encore en moi, si vous avez compris mon histoire, histoire douloureuse et instructive, mais que j'ai mutilée, tronquée, sans que cela puisse m'être imputé à mal. Que voulez-vous ? Je suis un soldat, et je ne peux ni ne voudrais, je crois, prendre le temps d'exprimer ce que j'ai pris trop le temps de sentir. Ainsi s'achève Cornelia Tulipani par Paul de Molène.